Voici votre bulletin régional. Sur grand écran au parc Nicole de Hastings le 31 juillet à 20h30, projection du film Paddington. En cas de pluie, au pavillon des sports sur la rue Saint-François. C'est le 2 août que la boutique La Porte des Trésors de Bury offrira des vêtements neufs de marque pour toute la famille, ainsi que d'autres services tels que de buanderie, de télécopieurs, de photocopieurs, de Wi-Fi, de plastification et réparation de vêtements. On y trouvera aussi des sacs à main, chandelles, bijoux, articles cadeaux, papeterie et produits d'artisanat.